peu comme ça qui sont... Je sais, tu peux le dire aussi. Donc voilà. Moi, je bosse à donc voilà, quoi, il y a deux vieux dans l'Amigo qui ont bu pas mal de bière, qui insultent les filles de connasse et qui se moquent des filles et qui ont été agressifs avec nous. Moi, je voulais juste lire en fait le papier qu'on devait signer pour sortir. Donc avec mes affaires, je prenais juste le temps de lire pour voir les heures parce que tout à l'heure, il s'était trompé sur les heures et il a pété les plombs, il m'a arraché le papier. Il fait « Tu signes pas, tu te casses, prends tes affaires, c'est scellé, tu vas pas arriver à l'ouvrir, dégage. » Et voilà, on a dégagé, quoi, mais ils sont un peu dans leur trip. Comment s'est passé le... l'arrestation? La chose sur place, quoi, l'arrestation. On est arrivé vite à l'action, on a eu le temps de 30 secondes, donc on n'a aucune violence, on a juste crié nos slogans. Ça va, déjà sorti. Ils sont directement, les gens de la sécurité, la police était sur place, ils ont essayé de nous prendre un à un, on se tenait, donc ils nous ont poussé dehors. Moi, je suis tombée une première fois par terre à l'intérieur, ils ont essayé de m'arrêter à ce moment-là, les autres m'ont tenu. On arrivait tous tant bien que mal dehors, et là dehors, ils ont vraiment commencé à sauter sur les uns et les autres. Et on a avancé sur plusieurs mètres comme ça, quoi, jusqu'à ce que Yuri, qui était harcelé par un des policiers, tombe par terre. Le policier est tombé sur lui. Moi, je suis tombée sur le policier, enfin, près du policier. Et après ça, voilà, il m'a fait un étranglement, là, donc j'ai plus su faire grand-chose. Et puis après, on a été arrêtés. Ils ont mis les menottes et on est parti. Tu disais tout à l'heure que Yuri était particulièrement visé. Oui, je sais pas, dès le début, ils ont eu un trip avec Yuri, mais déjà, quand on était vraiment, même pas encore sortis de Tour et Taxi, en disant lui, lui, et en venant à 2-3 pour essayer de l'attraper, et ils l'ont pas lâché, ils disaient laissez-moi, on est en train de partir, laissez-moi, laissez-moi, et tout le monde disait mais foutez-lui la paix, il a eu aucun geste violent, et à l'intérieur, on a eu le temps de rien faire, donc c'est pas quelque chose qui s'est passé à l'intérieur non plus. Et quand on est arrivé ici au commissariat, ils ont fait ah oui, celui-là, mais ça va, c'est bon, quoi, on le connaît, donc. Et voilà. Il y a juste pour Yuri que ça s'est passé comme ça. Mais je sais pas, ils ont désigné ceux qui avaient des arrestations judiciaires dès qu'on est arrivé en disant lui, lui, lui. Mais c'est des gens qui étaient avec nous dans le groupe, il s'est rien passé, ils avaient rien fait. Donc je sais pas du tout sur quoi ça a été décidé. Quoi. Tu as vu le moment où le flic a soi-disant eu sa jambe cassée? Non, moi j'ai. Quand on arrive au commissariat, les flics étaient en train de dire ouais, il y a eu une bagarre et tout. Enfin, moi j'ai vu aucune bagarre, quoi. Il y a eu l'arrestation, c'est tout. J'ai pas vu de coups. J'ai pas eu le temps en tout cas. Est-ce que par hasard tu as vu tu n'as pas revu ce policier, tu l'as identifié sur place? Non, moi je ne l'ai pas revu. Les autres m'ont dit que celui qui harcelait Yuri et qui est tombé, là, il est revenu par la suite. On m'a dit mais moi je ne l'ai pas vu, j'étais déjà en cellule. Donc, j'étais une des premières à être en cellule, donc j'ai pas vu grand chose de ce qui s'est passé par la suite. Sinon ça va, rien à dire de particulier. Non. C'est sale quoi, franchement, il faut nettoyer et ils boivent pendant le service. Ok, merci.